Oui, la vie est infecte. Quand c'est un gens qui meurt, quand je vois trop d'erreurs, quand je vois trop de pleurs, quand les gens déchirent le cœur, en fin de compte, trop de malheur. Yeah, trop de malheur. Bra, bra. De mes débuts dans le rap, à toutes mes histoires de frappe, ma rage et mes visions sont restées cadenassées. Mais au fond, tout ce que je voulais, c'était juste représenter. Et un jour, m'a-t-on avoué d'avoir une chance de percer. Mes rimes stabilisées, tout écrit sur mon cahier, espérant que quel jour je serai récompensé. Et tout commence en 2007, mon place c'est Sénor. Et juste que ce texte, ouais, il est pour tous nos morts. Ouais, tous les défaits, ouais, tous ceux qu'on a quittés, ouais, ceux qui nous ont quittés par Dieu et sa volonté. J'en place une pour tout pas, pour toujours le dieu du rap. C'est grâce à lui que j'attaque et aussi que je marque. Mais surtout à mon père qui est parti avant l'heure. Le quotidien n'est pas cher, la mort va avec la douleur. La vie n'a qu'un fil, j'ai pris face et j'ai eu pile. Je l'en ai un coup de rime jusqu'à un jour elle m'assassine. Oui, la vie est infecte. Quand c'est un gens qui meurt, yeah. Quand je vois trop d'erreurs, quand je vois trop de pleurs, quand les gens déchirent le cœur, en fin de compte trop de malheur, yeah, en fin de compte trop de malheur, je représente, certains restent dans la misère, pendant que t'as les couilles en or, les plus braves sont dans la merde. Moi je vais mettre tout le monde d'accord, l'instinct est un carnivore, mais du rap à le cador. Moi je veux changer la donne, mais sans gâcher mon sort. Tu veux rap à l'état brut, ma devise c'est droit au but. La musique c'est ma lutte, frère la gloire c'est mon but. J'apporte une touche, mais là, moi je me ligue, une pierre de plus. Allez difficile, c'est la vie m'a pris en charge. Je change la mais je manque pas de charisme. Je rappe sur le parloir et bien au cimetière. Ceux qui tonnent, mais les jours enchaînent guerre après guerre. Cher, cher, sans gâcher mon sort. Je veux les âmes envoler, dis-toi que je vais représenter tous les cœurs déchirés. Je dis un rap à l'état brut, ma devise c'est droit hit à vos pieds. Quand on ne peut rien y faire, on y laisse un goût amer. Merde, but, la musique c'est mal espoir, donc on vient nous foutre en l'air. J'ai réglé toutes les affaires, et d'une pierre je fais deux coups. Jamais genoux à terre, car je rap c'est pour vous. À moi de donner l'image du vrai rappé. À moi de tout exposer en l'honneur de sa sainteté. Où la vie est infecte. Quand c'est un gens qui meurt, quand je vois trop d'erreurs, quand je vois trop de pleurs, quand les gens déchirent le cœur, en fin de compte trop de malheur, yeah, trop de malheur. Je représente. Frère la gloire, il me dit d'éternel nom. Vous savez qui je représente.